Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Dieu est fidèle, mon frère. Dieu est fidèle, ma sœur. Ne doute pas parce que ce qu'il t'a promis, ça tarde. Tu dis, ça fait déjà plus d'un an, plus de deux ans. J'aimerais te dire que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Tiens bon. Joseph a tenu bon. Il a vu l'accomplissement de la promesse. Toi aussi, tu verras cet accomplissement. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à l'émission OSB, nous allons prier. C'est par la prière que les choses se débloquent. Notre passage du jour, c'est Romains, chapitre 12, versets 17 à 21. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons Romains, chapitre 12, 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons partager des vérités importantes qui vont nous aider à harmoniser nos relations. Aujourd'hui, nous avons souvent des relations tendues dans l'église, des problèmes d'incompréhension, même dans le foyer, des problèmes avec la belle famille, le problème au niveau même de la famille. Il y a trois choses que nous ne devons pas faire ici dans ce passage et il y a trois choses que nous devons faire. Commençons d'abord par les trois choses que nous ne devons pas faire. La première chose, il est dit ici, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. » Ça veut dire l'esprit de vengeance. « Tu m'as frappé, moi aussi je te frappe. Tu m'as injurié, moi aussi je t'injurie. » Je vais parler à une femme. « Tu as dit à ton mari hier que comme toi, tu ne me parles pas, moi aussi je ne vais pas te parler. » Ce n'est pas ça. Ton mari, c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien, il n'est pas encore bien converti. Mais c'est toi qui es même diaconesse. Comment tu peux réagir selon la loi de talion? Vous voyez? La Bible nous dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Si tu as appris que ton mari est sorti avec une maîtresse, tu ne peux pas dire, moi aussi, j'avais des copains, je vais retourner. Non, toi tu es chrétienne, tu es née de nouveau, tu ne peux pas faire comme lui. Tu dois prier pour lui, l'aider pour qu'il se relève, pour qu'il se repente. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Je vais parler à quelqu'un. Il y a un collègue qui a comploté contre toi pour qu'on puisse te renvoyer de ton travail. Mais son complot a échoué. Ne lui rends pas le mal. Lui-même, il se sent mal à l'aise. Il a peur de toi. Est-ce que tu comprends? Ne rends à personne le mal pour le mal. Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Quand on l'a insulté sous la croix de Golgotha, lui n'a pas insulté. On l'a injurié, lui n'a pas injurié. Vous voyez, ne rendez pas le mal pour le mal. Nous sommes dans une société où les gens sont là en train de chercher toujours à rendre le mal par le mal. Deuxième chose que nous ne devons pas faire, ça renforce la première idée. Il est dit au verset 19, « Ne vous vengez point vous-même l'esprit de vengeance. » Et il est dit, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Ne vous vengez pas vous-même, laissez Dieu vous venger. Dieu sait bien se venger, il va vous venger, il va te venger mon frère, il va te venger ma sœur. Je sais que tu as été bloqué par les puissants de la sorcellerie. On t'a bloqué depuis longtemps pour que tu ne puisses même pas travailler, pour que tu puisses échouer, pour que tu ne puisses pas te marier. Et peut-être que Dieu t'a donné une révélation selon laquelle que c'est une tente qui est à la base de cela. Le fait de connaître cela ne doit pas faire de toi quelqu'un qui va se venger, qui va rechercher sa mort. Non! Même si cela était vrai, Dieu te dit, à moi la vengeance. Laisse Dieu lui-même te venger. Est-ce que tu comprends cela? Regardez ce qui s'est passé entre Aman et Mardoché. Vous voyez, c'est Dieu qui a vengé Mardoché. Aman a comploté contre Mardoché. C'est Dieu lui-même qui l'a vengé. Entre David et Saül, regardez, David était toujours en bas. Saül était son maître et Saül voulait lui faire du mal. Mais David n'a jamais cherché à mettre la main sur Saül. Quand bien même il savait que Dieu l'avait déjà rejeté, il a laissé Dieu le venger. Ne vous vengez pas vous-même. Mais la Bible dit, à moi la vengeance, dit le Seigneur. Troisième chose que nous ne devons pas faire. Le verset 21 dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Tu vois, je parle à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui t'a énervé. Tu dis, il t'énerve. Si tu m'énerves, je vais te frapper. Ça, ce n'est pas un langage qu'un chrétien doit adopter. Est-ce que tu comprends? Je vais te parler. Est-ce que tu sais que lorsque tu es dans un milieu où il y a des agents des ténèbres, les occultistes, les diables les utilisent pour te pousser à t'énerver. Est-ce que tu comprends? C'est par la colère que l'ennemi arrive à t'avoir. Alors, ne te laisse pas vaincre par cette colère-là. Toi, tu es enfant de Dieu, tu es chrétienne. Tu es chrétien, tu dois développer les fruits de l'esprit. Donc, ne te laisse pas vaincre par cette colère. Parce que quand tu te fâches là, tu n'arrives pas à te maîtriser, tu commences à faire des bêtises. Est-ce que tu comprends? Ne te laisse pas vaincre par le mal. Je vais parler à une dame. Écoute-moi bien. Tu as appris qu'il y a une jeune fille qui séduit ton mari. Écoute-moi bien. Et cette jeune fille est en train de te provoquer. Elle fait en sorte que vous puissiez même vous battre, vous bagarrer. Mais toi, tu ne dois pas aller sur cette piste-là. Tu dois savoir que l'esprit qui agit en elle-là, c'est cet esprit que tu dois combattre. Il faut prier. C'est dans la prière que tu seras victorieuse. Prends un temps de jeûne. Prends autorité sur cet esprit de séduction, de sirène des eaux. Mais ce n'est pas en disant, nous allons le frapper. Hein, tu veux mobiliser tes grands frères pour aller chez elle, pour vous battre. Non, ça c'est la chair. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes du monde des ténèbres. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Nous allons voir maintenant trois choses qu'il faille faire pour que tu puisses être victorieux, victorieuse dans tes relations. La première chose, rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. Ça veut dire que il faut toujours rechercher ce qui est bien, c'est-à-dire ce qui peut édifier. Pendant que les agents de Satan, ils cherchent toujours à détruire, à comploter, mais toi, tu dois rechercher ce qui est bien pour les hommes. Tu dois être un agent de bien, c'est-à-dire quand on voit ton action, on voit l'action divine. Recherche ce qui est bien pour quelqu'un, non pas ce qui va le détruire. C'est ce qui fait la différence entre nous et le païen. Tu recherches le bien et non pas le mal. Tu recherches ce qui va aider quelqu'un à avancer. Tu recherches à faire du bien aux autres. Deuxième chose, soyez en paix avec tous les hommes. Le verset 18. Mais ce verset commence par « S'il est possible, autant que cela dépende de vous ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir des palabres avec quelqu'un, mais toi tu vas chez lui. Tu dis, ce n'est pas normal que moi, je puisse avoir des problèmes non réglés, des conflits. Tu prends le premier, c'est toi qui prends l'initiative d'aller demander pardon. Même si toi, tu as raison, tu vois, c'est comme ça qu'un chrétien fait. C'est-à-dire, tu demandes pardon. Je vais demander à une femme, écoute-moi bien, ce qui s'est passé entre toi et ton mari. Il y a ta belle famille qui a comploté parce qu'ils ne t'ont jamais accepté comme femme. Est-ce que tu sais ça? Alors, ils ont profité de problèmes que vous aviez maintenant pour demander à ton mari de te renvoyer. Mais toi-même, tu as prêté le flanc à l'ennemi parce qu'à un moment donné, tu as négligé ta maison. Tu étais tout le temps parti à l'église et ton mari en a profité, la belle famille en a profité. Je vais te dire quelque chose. Va demander pardon à ton mari. Reconnais que tu as mal fait. Va demander pardon si tu as mal parlé à ta belle-mère. Va lui demander pardon si cela dépend de toi. Maintenant, si elle-même l'a dit, même si tu demandes pardon, nous on ne veut pas. Ça, toi tu as fait ta part. C'est ce que ça veut dire. Si cela dépend de vous, cela veut dire toi tu as fait tout ce que tu fais. Toi tu dois faire ta part. Parce qu'il y a des gens pour lesquels, même si toi-même tu cherches à être en paix, tu as demandé pardon, tu as fait tout ce qu'il fait, mais eux ils refusent. Là maintenant, toi tu as fait ta part. C'est ça ce que ce verset dit. Si cela dépend de vous, c'est-à-dire si toi tu as rempli ta part, mais si l'autre part ne veut pas être en paix avec toi, toi tu es en règle avec Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que nous devons rechercher à être en paix avec tous les hommes. Au niveau de la famille, avec ta femme, tu dois rechercher à être en paix. Avec tes enfants, tu dois rechercher la paix. Avec tes collègues de service, tu dois rechercher à être en paix. Avec ton pasteur, avec les frères de l'église, rechercher la paix. Nous, nous sommes des hommes de paix. Nous ne sommes pas les gens qui doivent rechercher des conflits partout. Non, ce n'est pas bon. Troisième chose, nous devons faire du bien à nos ennemis. Le verset 20 dit, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. » Je sais que c'est difficile. Mon ami, donner la nourriture à ton ennemi, à celui que tu sais que c'est celui qui complote contre toi, ce n'est pas facile. Mais c'est ce que Christ nous recommande. Il dit, si tu le fais, en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Vous voyez, je parle à toi, toi qui as l'habitude de prier, tu invoques le feu sur ton ennemi, tu invoques le feu sur la sorcière ou sur le sorcier. Vous voyez, la meilleure façon d'invoquer le feu, c'est de lui faire du bien. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire qu'il a besoin d'un pagne, toi tu lui donnes pagne. Hein, par exemple, comme on s'approche des fêtes de Pâques là, tu lui donnes à manger. C'est ça. La Bible dit que c'est en faisant ça que tu amasses des charbons. C'est-à-dire, tu l'empêches même de te faire du mal. Quand maintenant il va comploter contre toi, ce que tu as fait là va commencer à parler. Sa conscience va dire, mais tu veux lui faire du mal, n'est-ce pas lui qui t'a fait du bien? Tu vois? Dis, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est ça le chrétien. Je parle à quelqu'un. Tu dis, moi j'ai aidé les gens ne reconnaissent pas, je ne vais plus aider quelqu'un. Ma soeur, il ne faut pas faire ça. Quand toi tu fais le bien là, tu aides quelqu'un, même si la personne ne reconnaît pas, tu as fait ta part, tu as fait à cause de Jésus. C'est Jésus qui te récompensera. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lui dire merci. Chantons ce cantique. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. D'un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même à la vie, il nous attend. Pour les péchés de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne, ô paix profonde, il sauve le. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser des langues dans tous les ondes, change le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous direz tout. L'amour du Père verrait les hommes et remplirait les places entières de ces divins rouleaux. L'amour de Dieu si fort, si tendre est un amour sans fin. et que le monde un jour chancelle avec ce trône et ce roi. Quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. L'amour de Dieu, que rien n'élasse pour nous encore, vivra. C'est le miracle de sa grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est les chants que font entendre les anges et les saints. Gloire au Seigneur. Élevons nos voix tous ensemble. Bénissons l'Éternel pour toutes ces vérités qu'il nous accorde. Sois béni, Éternel, notre Dieu, toi le Dieu qui nous sanctifie. Merci, toi qui as accepté de sacrifier ton Fils Jésus sur la croix pour que nous soyons purs, irrépréhensibles. Oh, sois magnifié, notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu de paix qui nous donne la paix. Oui, Seigneur, tu es celui qui nous donne ta paix. Paix qui ne dépend pas des circonstances. C'est pourquoi nous t'élevons, nous te bénissons et nous te glorifions en ce moment. Sois béni, toi le Dieu fidèle qui réalise tes promesses avec fidélité. Nous bénissons ton nom. Pour cela, nous te glorifions et nous te magnifions. Toi, le Père de gloire, le Dieu fidèle, le seul vrai Dieu, le Dieu qui ne change pas, le Dieu de paix. Oh, sois magnifié, notre Seigneur, notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu redoutable, le Dieu incomparable, le seul capable de donner la paix et la joie, le seul capable de sanctifier et de réaliser tes promesses avec fidélité. Reçois en ce moment l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à l'émission OSB, Opération sous la brèche. Le texte du jour, c'est Romains chapitre 12, versets 17 à 21. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Je reprends www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir plusieurs vérités ici. La Bible nous dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal ». Ne vous vengez point vous-même. Nous allons prier. Il y a des gens qui en ont marre parce que tu as découvert qu'il y a quelqu'un qui te fait du mal. Je vais parler à une dame. Oui, tu as prié un garçon qui a violé ta fille. Ça t'a fait du mal alors que tu avais des projets pour ta fille. Ça fait du mal. Et tu dis, je vais les faire coffrer, je vais les corriger. Tu avais même l'intention de les faire enlever. Dieu te dit, ne rends pas le mal pour le mal. Nous allons prier pour que tous ceux qui sont combattus, qui sont prêts à rendre le mal, à se venger, que Dieu les aide à ne pas rendre mal pour le mal, à laisser Dieu les venger. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Très excellent Père, c'est une grâce pour nous ce matin d'invoquer ton nom. Toi qui es le Dieu d'éternité en éternité. Nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés ce matin. Ce n'est que par ta grâce. Nous prions ce matin au Père éternel pour tous ceux et toutes celles qui ont été victimes de complots, qui ont été victimes de mal, qui ont été victimes d'abus. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ que tu puisses les restaurer. Ceux qui ont été victimes d'abus de confiance, ceux qui ont été victimes d'abus de toutes sortes, ô Père éternel, victime de viol, victime de maltraitance, victime d'injustice. Nous prions, ô Père, dans le nom de Jésus, que ta faveur et ta grâce soient sur eux. Nous prions que ta paix gouverne leur cœur, ô Père éternel. Tu as dit dans ta parole que lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Que toute forme d'opprobre, toute forme de honte qui les environne soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Et nous demandons au Père éternel que tu fasses en sorte qu'il te laisse toi-même agir parce que c'est toi qui rétribue. Père, bénis tes enfants qui ont été victimes. Relève-les, ô Père éternel, restaure-les et fais en sorte que la colère ne les consume pas, que l'esprit de vengeance, l'esprit de revanche ne les consume pas, mais plutôt que ton amour les environne à la gloire de ton nom. Merci Père pour toutes choses. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. La Bible dit, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il y a des gens avec qui vous avez des conflits, vous ne vous parlez pas, ça fait longtemps. Tu vas prier Dieu pour lui dire, Seigneur, aide-moi à être en paix avec telle personne. Tu vas les citer, aide-moi, tu vois des problèmes qu'il y a entre moi et mon beau-père, avec ma belle-mère, avec tel ami, avec tel collègue, avec ton patron. Il y a ton patron qui te combat parce qu'il a peur que tu puisses prendre sa place. Prie le Seigneur pour que tu sois en paix avec lui. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous voulons te remercier ce matin pour cette parole dure à entendre, mais elle est la réalité de l'évangile. Nous devons obéir à ta parole, être conduits par ton esprit. Jésus, dans le jardin de Gethsémané, savait qu'il devait aller à la croix. Il a dit, non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Ce matin, ce message est très fort. Et nous vivons au milieu des hommes, où nous avons assez d'ennemis, assez de rancœurs, assez de choses qui nous opposent à l'esprit de Dieu. Ce matin, tu nous encourages à prier, à invoquer Dieu, à demander la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, afin d'aller vers l'autre qui veut découdre avec nous, qui veut nous éjecter, qui a même courtisé notre épouse, qui a fait du mal à notre enfant. Seigneur, tu nous demandes d'aller vers, tu nous demandes de pardonner, tu nous demandes de supporter, tu nous demandes d'agir selon l'Esprit. Nous te demandons de donner la force à tes enfants ce matin, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit un collègue, que ce soit quelqu'un, ô Seigneur, avec qui nous vivons. Nous te prions de nous donner la force, de nous conduire par ton esprit, à obéir à ta parole, Sans toi, nous ne sommes rien. C'est difficile, c'est incompréhensible, c'est insupportable. Mais nous voulons t'obéir. Nous voulons faire ton œuvre. Nous voulons agir selon ta volonté. Conduis-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir ici que nous devons faire du bien à nos ennemis. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Tu vas prier le Seigneur pour qu'il te donne la victoire, la capacité de faire du bien à quelqu'un même qui te combat, à quelqu'un même qui te fait du mal. En faisant cela, tu auras la victoire sur l'esprit de l'ennemi. Prions le Seigneur, prions pour nos familles, prions pour nos églises où il y a l'esprit de vengeance qui caractérise les gens. Il y a beaucoup de conflits où les gens se vengent. Prions même pour notre nation, pour que réellement l'esprit de vengeance soit extirpé dans le nom de Jésus et que nous apprenions à faire du bien même à nos ennemis au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Nous sommes heureux ce matin encore d'élever notre voix pour encore te magnifier. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 27, que la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Seigneur, nous sommes de ceux que tu as fait grâce du don de ton esprit, et nous te craignons. Et dans la crainte de ton nom, tu nous demandes, ô Dieu, de prier pour tous nos ennemis, pour tous ceux qui nous font du mal, tous ceux qui nous maltraitent, tous ceux qui veulent à notre perte, tu nous demandes de prier pour eux. Merci parce que aujourd'hui aussi, tu nous demandes de donner à boire à toutes les personnes qui nous ont refusé de nous donner à boire. Toutes les personnes que tu as bénies et qui refusent et qui ont refusé auparavant de nous aider. Père, tu nous dis d'aller vers ces personnes et selon leurs besoins, de pouvoir leurs besoins. Merci pour cette démarche biblique, spirituelle que tu nous donnes. Merci donc pour cette capacité, cette grâce et cette onction que tu donnes à mon frère, à ma sœur, pour aller, pour aider, pour donner à boire, pour soulager, pour orienter, pour diriger la personne qui a été d'un moment à l'autre une source, ô Dieu, de haine ou de mépris. Merci Père, parce qu'en le faisant, tu nous donnes d'aller de l'avant. Tu nous augmentes les jours sur cette terre, la vie et la santé divine. Tu nous garantis le succès, la bénédiction, la faveur à tous égards. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais rappeler que nous aurons ce dimanche, 6 mars, notre rencontre bonheur conjugal pour les célibataires. Thème intéressant. Une main le forcera à te laisser aller. Exode 6, verset 1. Toi qui es retenu par un esprit de mari de nuit, un esprit de femme de nuit, un esprit d'envoûtement qui t'a bloqué depuis longtemps, viens, c'est dimanche, une main puissante va le forcer à te laisser entrer dans ton mariage. L'entrée est libre. Nous aurons deux services comme d'habitude. Premier service à 16h, deuxième service à 18h. Que Dieu vous bénisse et à demain.